La fabrique des airs. Les voyages forment la jeunesse. C'est pour cela qu'après 3 semaines intenses à l'école des arts magiques, Rose et Fleur se rendirent à Melodia. Ce petit village perdu au cœur d'une vallée montagneuse serait passé totalement inaperçu s'il n'abritait pas la fabrique des airs, un lieu mythique où naissent les plus grandes mélodies du monde. Rose et Fleur frappèrent en rythme sur la porte branlante d'une vieille cabane en bois. Drôle d'entrée pour un lieu si prestigieux. Après de longues minutes d'attente, un vieil homme en chapeau haute forme et costume cut-pie leur ouvrit la porte. « Bienvenue ! Quelle joie de recevoir deux élèves des arts magiques ! Je suis à l'intendant !» L'intérieur n'avait rien à voir avec l'extérieur miteux. Le hall d'entrée était un immense salon douillet. Plusieurs personnes discutaient, lisaient, mangeaient, ronflaient. Tout autour, des dizaines de portes s'ouvraient sur des ateliers et des auditoriums, d'où s'échappaient de doux airs de musique. Rose et Fleur se demandaient combien de personnes travaillaient ici. Une très jeune fille, toute en rondeur et en sourire, vint à leur rencontre. Un intendant se mit au garde-à-vous. « Mesdemoiselles, voici Dame Tadam. Du haut de ses 7 ans, c'est l'une des plus grandes magies musiciennes que compte la fabrique des airs. Elle n'a pas son pareil pour insuffler plus de magie dans toutes nos mélodies. » Les deux sorcières eurent du mal à masquer leur curiosité. Cette petite fille était un de ces fameux prodiges ? Quelle chance elles avaient ! Dame Tadam, pourriez-vous initier ces jeunes sorcières à votre art ? Je vous rejoindrai plus tard, je dois aller m'occuper de notre approvisionnement en cristaux. Tadam ne leur laissa pas le temps de poser de questions. Elle les entraîna vers une pièce voisine, remplie d'une infinité de boîtes à musique alignées sur des étagères. Elle en prit une et la leur tendit. Ouvrez-la et dites-moi ce que vous entendez. Une marche nuptiale. Bien, et celle-ci ? On dirait une musique de fête foraine. Oh, vous avez l'oreille! Passons maintenant aux choses sérieuses. Voici une mélodie particulière, très subtile et légère. La première que j'ai créée. Voyons si vous la reconnaîtrez. Pas une note ne s'échappait. Mais plutôt que de le faire remarquer, Rose et Fleur se mirent à rêvasser. Les voilà propulsées dans une vaste prairie fleurie, celle qui bordait leur village. Il faisait très chaud. Comme cette fameuse journée de l'été dernier où elle n'avait pas pu mettre le nez dehors par crainte d'être rôtie sur pied. D'un coup, une pluie fine leur caressa le visage. Un petit clic les ramena à la réalité. Tadam les regarda, les yeux pétillants. « Alors, qu'avez-vous entendu ? Pensiez-vous à un soleil de plomb et à une pluie bienfaisante ?» En voyant leur tête de carpe, Tadam éclata de rire avant de leur montrer le nom gravé sur la boîte. Fine pluie d'été. Essayez donc celle-ci et dites-moi. C'est bizarre, j'entends comme des rires d'enfants. Une fête ? Vous y êtes presque, tendez mieux l'oreille. Les deux sorcières se concentrèrent. Une succulente odeur de gâteau leur chatouilla les narines. Une chanson d'anniversaire s'éleva. Elles se tenaient au bout d'une grande table, entourées de leur famille et de leurs amis. C'est notre anniversaire de l'an passé ! Bravo ! Cette mélodie s'appelle « Souvenir d'anniversaire ». Vous voulez continuer ? Sans attendre, elles écoutèrent « Naissance d'un dragon »,« Départ en voyage »,« Jour de rentrée »,« Chocolat chaud d'hiver ». Dame Tadam leur apprit que chaque mélodie avait le pouvoir de réveiller des souvenirs. Certains pouvaient même vous replonger dans des moments d'histoire. Tout cela grâce au talent du compositeur, mais aussi grâce aux cristaux magiques que renfermait chaque boîte. Alors que nos deux sorcières s'affairaient à en démonter une avec l'aide de Dame Tadam, à l'intendant déboula dans le laboratoire, perlant de sueur. « Dame Tadam, une chose terrible est arrivée. Notre ramasseur de cristaux se rendait tranquillement dans la grotte dans laquelle il cultive ses cristaux lorsqu'il s'est fait attaquer par un terrible troll. Ce monstre l'a chassé à coups de pied sans qu'il ne puisse rien faire. » Mais qu'allons-nous faire ? Melodia ne compte aucun combattant. Chercher de l'aide prendrait des semaines. Le retard pris sera impossible à rattraper. Et votre musique ne peut pas vous aider ? Nous ne savons pas nous battre. Les trolls ne sont pas méchants, juste un peu ronchons. Si nous lui montrons tout le bien que vous faites, le vieux troll acceptera peut-être de vous aider. Vous n'auriez pas un air qui apaise les cœurs ? Après quelques mordillages de lèvres et de trifouillages de cheveux, Dame Tadam s'éclaira comme une ampoule. Sur la plus haute étagère, elle saisit une minuscule boîte. Première rêverie, la plus universelle de toutes ses mélodies. Une petite heure de marche plus tard, Rose et Fleur arrivèrent à la grotte. Avec tous ces cristaux qui reflétaient la lumière du soleil, elles se crurent à l'intérieur d'un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel qui grognait drôlement fort, avec des yeux noirs de colère. Le troll bondit dans un hurlement terrifiant et frappa le sol si fort que les murs s'effritèrent. « Vous partir, pas prendre cristaux, sacré pour Trollolo !» Rose tomba à la renverse. Bien que tremblante de peur, Fleur se tint droite. Sans un mot, elle présenta la boîte au troll. Elle était si petite pour lui qu'il dut loucher pour la regarder. « Quoi ça c'est ?»« Une boîte à musique magique. Vous voulez écouter ?»« J'entends magie ?» La sorcière acquiesça et ouvrit la boîte. Une douce mélodie s'éleva. Un instant, le troll se figea, le regard absent. Lorsque l'air prit fin, il revint à lui, les yeux écarquillés soulignés par un sourire béat. « Moi avoir rêvé debout !» Après cette aventure, la fabrique des airs compta un membre vraiment pas comme les autres. Trollolo devint l'assistant de Dame Tadam, et ensemble, ils créèrent des boîtes à musique si puissantes que le rêve musical devenait réalité.